Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La disparition de la Terre, de notre planète, serait ou sera un incident sans aucune importance. Les étoiles, les voies lactées continueront leur vie, sans nous, pour les contempler. On sait bien que tout astre naît, vit, évolue et meurt. Il serait bien temps de se rendre sur la Lune. Ou d'y retourner, puisque si la Lune est actuellement inhabitée, c'est grâce ou à cause d'un joueur de flûte. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Ce qui est certain, c'est que nous sommes des atomes qui s'agitent sur cet autre atome qu'est notre planète. Première diffusion, le 28 juin 1950, sur la chaîne nationale. Veuillez écouter une production de Jean-Louis Bédouin et Pierre de Marne. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Aujourd'hui, l'astronomie, avec la participation de Madame Camille Flammarion. Ont également collaboré à cette émission Christiane Regnault, Raymond Faure et Jean-Jacques Daubin. Réalisation Pierre Barbier. La barre à zéro en avant toute. Petite aventure terrestre qui commence. Sur le pont, les passagers regardent s'effacer peu à peu les lumières du port. Tu n'auras pas froid. Avec cette chaleur, je préférerais boire quelque chose. Ce n'est qu'une très petite aventure. Boussole, carte de plus en plus détaillée, TSF, météo, radar. L'inconnu paraît aujourd'hui exclu du voyage. Ni les appareils de précision, ni les mesures du technicien ne nous étonnent. L'heure de l'arrivée est fixée à l'avance. De l'arrivée où, pourrait-on demander? L'homme moderne se contente de la réponse inscrite sur son billet de passage et pourtant... L'homme moderne sent tout à coup se réveiller en lui de vieux souvenirs. Accoudé au bastingage, entre l'océan et le ciel, qui est-il? Et qu'est-ce que l'univers? Le nombre des étoiles, leur distance, même s'il en connaissait les chiffres exacts, ne lui apprendrait rien de plus. L'astronomie explique bien l'absence de lumière, elle n'explique pas la nuit. Elle n'explique pas ce que l'homme redoute et ce qui l'attire dans les ténèbres. Une seconde, l'homme moderne n'est plus. L'individu même n'est plus. À sa place, parle d'étranges images. Thảo xưa dân sự trên mặt trăng rất nên đông đảo và dưới quyền cai trị của một bà vua rất đẹp là Hằng Nga. Autrefois, la lune était très peuplée et avait pour souveraine Hằng Nga qui était une très belle princesse. La population y vivait très paisiblement. Or, un jour, cet astre fut troublé par des rats qui se multipliaient énormément et avec une incroyable rapidité, surtout dans le palais royal. La reine Hanga était très effrayée par ces vilaines bêtes qui dévoraient et détruisaient tout. La garde royale et l'armée ne parvinrent pas à neutraliser le fléau. Une proclamation énonce que la reine épouserait celui qui pourrait débarrasser la lune des terribles rongeurs. Un homme se présente bientôt et déclare qu'il peut accomplir cela. Le jour suivant, cet homme jouant d'une flûte de bambou se promène par toutes les rues de la ville. Des milliers et des milliers de rats sortent des maisons et le suivent. Enfin, cet homme se dirige vers la montagne, entraînant après lui tous les rats de la lune. Quelques jours après, il n'y a plus un rat sur cet arbre. Cet homme vient demander le prix de ses services, mais comme il est très laid, la reine Hanga refuse de l'épouser. Devant ce refus, l'homme sort de nouveau sa flûte de bambou et dirige ses pas vers la montagne, mais cette fois, c'est toute la population de la ville, et même de la lune entière, qui le suit, charmé par la flûte qui prétend les conduire dans un pays où l'on ne meurt jamais. Mais l'homme entre bientôt dans un souterrain de la montagne qui conduit sur la terre, et c'est pourquoi il n'y a plus d'homme dans la lune. Cette légende vietnamienne raconte la genèse de l'humanité. Cependant, nous avons tendance à agir comme si notre planète était le centre de l'univers. Nous ne discernons guère que ce qui touche nos menus problèmes particuliers. Si nous avions en nous, dit le grand écrivain Henri Miller, si nous avions en nous profondément ce sentiment que chaque fois que nous nous embarquons hors de chez nous, nous levons l'ancre pour un grand voyage, est-ce que notre façon de voir la vie ne serait pas quelque peu différente? Pendant que nous sommes occupés à faire notre petit tour au coin de la rue, ou à Dieppe, à New Haven, au diable sait tout, la Terre, elle aussi, fait son petit tour. Personne ne sait où, pas même les astronomes. Mais tous, tant que nous sommes, que notre petit saut nous mène au coin de la rue ou en Chine, tous, nous sommes embarqués pour le grand voyage, en compagnie de notre mère la Terre. Et la Terre navigue avec le Soleil, et avec le Soleil naviguent les autres planètes, Mars, Vénus, Mercure, Neptune, Jupiter, Saturne, Uranus. Tout le firmament navigue, et dans ce trimballement, si vous n'allez pas posant un tas de questions idiotes, vous vous apercevrez que partir en voyage n'est ni plus ni moins qu'une idée qu'on se fait, qu'il n'est rien dans la vie qui ne soit voyage, voyage au sein du grand voyage, et que la mort n'est pas le dernier voyage, mais le début d'un autre voyage, dont personne ne connaît le pourquoi ni la fin. Mais bon voyage quand même. L'homme cherche à pénétrer les lois qui régissent les corps célestes. Cette activité est peut-être l'une des plus désintéressées. En dehors de l'application des connaissances astronomiques à la navigation, il semble que l'esprit n'ait cherché dans les constellations que le somptueux prétexte de donner sa mesure. Cela, bien avant les théories modernes sur le système de l'univers. Dans le livre des morts de l'Égypte, l'Osiris s'adresse au soleil. Puissais-je marcher comme tu marches, sans faire halte, ainsi que ta sainteté, ô soleil, qui n'a pas de maître, grand traverseur d'espace, pour qui des millions et des centaines de mille d'années ne sont qu'un moment. Adoration à toi, qui t'es levé dans le Noun, qui as illuminé la double terre le jour de ta naissance, quand ta mère t'a enfanté de ses mains. Tu illumines la terre et ton renouvellement la renouvelle. Grand illuminateur sorti du Noun, tu maintiens l'existence des hommes par le fleuve issu de toi. Tu mets en fête la totalité des nombres, des villes et des temples. Ton éclat favorise la préparation des aliments, des mets et de la nourriture. Très vénéré maître des maîtres, il refuse tout asile à l'iniquité. Maître des levées dans la barque Shakti, maître redoutable dans la barque Mat, protège l'Osiris dans la divine région inférieure. L'Osiris dit encore. Je sors vers le ciel, je traverse le firmament d'airain, je m'agenouille parmi les astres. Il m'est fait acclamation dans la barque Shakti, je suis invoqué dans la barque Mat, je contemplerai dans le Naos de sa barque, car je m'unis à son disque chaque jour. L'homme, découvrant nébuleuses, galaxies et mondes insulaires, retrouve l'angoisse exprimée par Pascal. Je ne vois que des infinités de toutes parts qui m'engloutissent comme un atome et comme une ombre, qui ne dure qu'un instant sans retour. Prêtons l'oreille, par contraste, aux propos tenus par un vieux serviteur d'Arago sur la découverte de Neptune, tels qu'ils ont été rapportés par un témoin. On sait en effet que la planète Neptune fut découverte par l'astronome Le Verrier en 1846 et qu'à l'époque on parlait de la planète de Le Verrier. La planète de Le Verrier? On devrait dire la planète de monsieur plutôt. Je le sais bien, moi. Tous les matins, quand Le Verrier venait dans la chambre de monsieur, qui était encore au lit, je les entendais en allant et venant, et pendant le déjeuner aussi. Et je sais comment cette planète commença. Monsieur dit à Le Verrier, vous perdez votre temps à des calculs sans gagner de réputation, et sans que cela fixe les yeux sur vous. Au lieu de ce que vous faites, tenez, voilà ce que vous devriez faire. Et là-dessus, il lui dit qu'une planète s'était brisée et qu'il fallait en chercher, comme qui dirait, les morceaux. Angoisse spirituelle de Pascal, certitude puérile du vieux domestique, deux attitudes extrêmes de l'homme devant l'inconnu. Mais que pensait ce vieillard au fond de lui-même? Certes, il ne lui venait pas à l'esprit que l'étude des phénomènes sidéraux et des corps célestes pût être autre chose qu'une sorte de jeu, tout juste bon à gagner de la réputation. Pascal, lui, jugeait la science impuissante à résoudre les problèmes de la destinée humaine. La seule distinction qu'il faisait entre la science et l'ignorance tenait, selon ses propres termes, à ce que la science est une ignorance savante qui se connaît. Cette ignorance qui se connaît semble être, à peu de choses près, celle des physiciens actuels, tout au moins en ce qui concerne les problèmes métaphysiques. Le professeur Destouches nous disait en effet dans notre précédente émission que la science ne peut pas se prononcer positivement à cet égard, qu'elle est seulement en mesure de rejeter certaines conceptions traditionnelles. En est-il de même pour l'astronome? L'un des plus célèbres, Sir Arthur Eddington, a très clairement défini le problème que nous cherchons à résoudre, encore qu'on ait pu lui prêter une attitude fortement imprégnée d'un certain mysticisme. La plupart des astronomes, écrit-il, s'il leur était permis de s'exprimer franchement, avouerait qu'ils ressentent quelque impatience à s'entendre répéter le psaume « Les cieux proclament la gloire de Dieu ». Combien je préfère cet autre passage de l'Ancien Testament. Et voici, l'Éternel passait, et un grand vent très impétueux qui fendait les montagnes et brisait les rochers allait devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'était point dans ce vent. Après le vent, il se fit un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était point dans ce tremblement. Après ce tremblement vint un feu, mais l'Éternel n'était point dans ce feu. Après le feu, on entendit un doux et subtil murmure. Et voici, une voix s'adressa à lui et lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ? » Vent, tremblement de terre, feu, poursuit Eddington. Le prophète passe ici en revue les problèmes météorologiques, la physique, comme nous avons nous-mêmes énuméré les forces naturelles de l'évolution, et l'Éternel n'était pas en elle. Mais ensuite, c'est une inquiétude, c'est le cerveau qui s'éveille, c'est une voix qui demande à l'homme, que fais-tu ici? Madame Camille Flammarion a bien voulu se charger d'exprimer pour nous le point de vue de l'astronome sur nos trois questions habituelles. Ses fonctions de secrétaire de la Société astronomique de France, fondée par Camille Flammarion, son mari, ses propres travaux et sa longue familiarité avec les milieux astronomiques du monde entier en font la représentante la plus qualifiée de ses chercheurs, dont on doit regretter que les nécessités d'une stricte spécialisation limitent trop souvent la participation à l'examen des problèmes généraux. Madame Camille Flammarion poursuit l'œuvre de son mari, dont elle fut l'élève et la collaboratrice, signant avec lui plusieurs ouvrages. Actuellement directrice de l'Observatoire de Juvisy, c'est l'astronomie planétaire qui l'a surtout attirée, en particulier l'étude et l'observation de la planète Mars, ainsi que celle de notre satellite. Madame Flammarion s'est consacrée durant de longues années au journalisme strictement scientifique. Elle est aujourd'hui lauréate de l'Académie des sciences. Madame, le souvenir de votre mari, Camille Flammarion, les relations personnelles que vous entretenez avec des astronomes du monde entier, vous incline-t-il à penser que ceux-ci ont été amenés à l'astronomie par une inquiétude métaphysique? Vous-même, est-ce le contenu philosophique des observations ou leur aspect plus strictement scientifique qui vous attire dans l'étude des phénomènes sidéraux? Non. L'astronomie est une science expérimentale, associée à la physique et à la chimie. Par sa variété et l'immensité de son champ d'observation, elle est si attrayante que la recherche scientifique me paraît attirer avant tout les astronomes, qui toutefois ne peuvent pas, pour la plupart, rester insensibles à la philosophie qui s'en dégage. Mais n'y a-t-il pas de notables exceptions, en particulier Eddington ? Il y a longtemps déjà, au cours d'un congrès astronomique international, j'ai eu l'indiscrétion, ou la curiosité, de demander à l'illustre astronome anglais, Eddington, si ses grands travaux astronomiques lui avaient apporté quelques vues nouvelles d'ordre métaphysique, ou au contraire, si la métaphysique avait exercé quelque influence sur ses conclusions scientifiques. Sa réponse fut que parce que nous sommes incapables de comprendre exactement ce qui nous entoure, cela ne signifie pas que l'inconnu n'existe pas. Selon lui, la science devait finalement se concilier avec le spiritualisme. Évolutionniste, il se disait être, et le prouva notamment lorsqu'après avoir été longtemps hostile à l'idée de planètes gravitant autour d'autres soleils que le nôtre, il déclarait, peu avant sa mort, qu'un soleil au moins sur 6 doit être entouré d'une famille planétaire. Les bouleversements apportés au système du monde au cours de ce demi-siècle vous semblent-ils constituer un progrès dans la voie d'une solution des grands problèmes humains, ceux de l'origine et de la raison d'être de l'homme? Oui, car les magnifiques découvertes de l'astronomie répondent à la question troublante : où sommes-nous ? En réalité, nous sommes des atomes qui s'agitent sur cet autre atome qu'est notre planète. La Terre, qui nous paraît si importante avec ses 12 742 km de diamètre, et sur laquelle se déroule toute l'histoire humaine, n'est qu'un point extrêmement petit comparativement au Soleil, qui est 109 fois plus large qu'elle et qui l'emporte avec lui dans sa propre destinée. Et elle est encore plus petite, relativement aux millions de milliards d'étoiles qui sont autant de soleils dans l'univers. Toute découverte dans cet univers tend à élargir le champ de la pensée humaine et rapportée à notre mesure, exerce une influence favorable sur les conditions de notre vie. Mais quelle est la position de l'astronome à l'égard du devenir de l'homme? Plus précisément, êtes-vous d'emblée favorable ou défavorable à certaines croyances concernant la mort? Le mystère de la mort est un problème que l'astronomie laisse aux philosophes, aux penseurs qui se penchent sur les secrets de la nature humaine. Camille Flammarion, qui s'intéressait vivement aux forces naturelles inconnues, a cependant abordé ce problème, mais avec toute la prudence d'un astronome. Comment un astronome conçoit-il le petit incident que serait, à la limite des hypothèses, la désintégration de notre planète par suite de l'inconséquence de quelques politiques? Au point de vue de l'univers, la disparition de la Terre, avec tout ce qui lui appartient, serait un incident sans aucune importance. Les étoiles, les voies lactées continueraient leur vie. Sans nous, pour les contempler, bien entendu. Tout astre naît, vit, évolue et meurt. Peut-être en léguant ses restes à l'immense réservoir d'énergie qu'est l'espace sidéral. Mais que pensez-vous, et que pensent en général les astronomes, des possibilités de voyages interplanétaires? Êtes-vous préoccupé par le problème de l'existence sur d'autres planètes, d'êtres semblables à l'homme? De tels voyages sont souhaitables. Il serait du plus vif intérêt pour les astronomes, mais l'heure du départ n'a pas encore sonné. La solution du problème astronautique comporte des difficultés bien difficiles à résoudre, ne serait-ce qu'au point de vue biologique. Croyez-vous que l'astronomie, science des plus difficiles, des plus hermétiques même sous certains rapports, ait joué un rôle psychosocial et puisse encore en jouer un dans l'avenir? Certainement. Eh bien, pour conclure, quel appel désireriez-vous lancer au monde en détresse, au monde en folie presque avec la bombe atomique? Oh, je crois que je pourrais répéter ce que disait Flammarion et ce qui est en quelque sorte la devise de la Société astronomique de France. N'est-il pas étrange que les habitants de notre planète aient presque tous vécu jusqu'ici sans savoir où ils sont et sans se douter des merveilles de l'univers? Pour ma part, je ne suis pas déçu par ces premiers témoignages qui confirment assez la puérilité des impératifs catégoriques, même et surtout de ceux qui, au Uyghur, se réclament de la science. Je crois toutefois que comme test projectif au moins, comme crible de l'intellectualisme en tout cas, les sciences les plus pures, même si leurs applications nous plongent dans l'affliction la plus désespérée, forment de nos jours le premier pas de la sagesse. Cette sagesse qui ne sert vraiment à rien, selon le sens courant, mais qui est le chef-d'œuvre par excellence de l'homme. Nous accueillerons toutes les suggestions que vous nous enverrez à la radiodiffusion française 107 rue de Grenelle, Paris 7e. Vous venez d'entendre une production de Jean-Louis Bédouin et Pierre de Marne. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Aujourd'hui, l'astronomie, avec la participation de Madame Camille Flammarion. Ont également collaboré à cette émission Christiane Regnault, Raymond Faure et Jean-Jacques Daubin. Réalisation Pierre Barbier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 28 juin 1950. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.